Bonjour les enfants, vous aimez les histoires? Vous aimez Oli? Soyez rassurés, on revient pour l'été avec de nouvelles histoires d'Arthur H, Sophie Fontanelle, Marie Nimier, Miguel Bonnefoy et moi-même, Marie-Pierre Planchon. Soyez prêts, ça va bientôt recommencer.